Du 18 au 22 juillet, c'est le méga week-end de golf au Club de Saint-Prime en collaboration avec Toiture Hillman. Participez au concours de Long Drive le vendredi 21 juillet et courez la chance de vous envoler pour Las Vegas. Informations et inscriptions ou pour l'horaire de la fin de semaine, consultez notre page Facebook ou notre site Internet au www.golfsaintprime.qc.ca. Le Club de golf de Saint-Prime, 418-251-2831. Bon matin tout le monde, Danny Veilleux et le bulletin de sport complet de l'édition du 7 juillet. On va ouvrir le bulletin de sport local et régional en parlant d'une belle initiative de Michel Robert de Saint-Jean-d'Arc. Michel Robert qui a décidé de faire bouger les jeunes et de redonner le goût au sport. Hier, on l'avait sur les ondes d'anradiosport.com pour nous parler un peu de son projet. Et Michel Robert a mentionné de où est venue l'initiative. Quand j'ai pratiqué, j'ai fait le défi Pierre Lavoie il y a quelques années. Okay. Comme j'expliquais dans le journal, là, l'idée de faire bouger les jeunes, là, à ma dernière année, j'ai fait le défi. Je m'étais dit que je voulais faire quelque chose là, à ma façon, dans le fond. Puis j'ai commencé à mettre ça en branle un petit peu avec la municipalité. Puis j'avais rencontré là, les dirigeants de la municipalité pour leur parler de mon projet. Il trouvait ça super intéressant, mais c'est moi, là, à ce moment-là, qui manquais de temps. Fait que je remettais ça d'année en année. Puis finalement, cette année, là, j'ai enclenché ça dans le fond. Les inscriptions vont bon train, explique Michel Robert. Oui, ça va bien, l'inscription. Au début, j'ai fait une rencontre de parents pour expliquer le concept. OK. Puis après ça, là, les inscriptions ont commencé à rentrer. Parce que j'ai deux niveaux. J'ai un niveau, un groupe de 5 à 8 ans. Il y a un autre groupe de 9 à 12 ans. Puis, à deux jours semaine, de 6 heures à 8 heures, dans le fond, là, je reçois mes groupes pour faire toutes sortes de sports différents, dans le fond. Okay, le concept multisport, là, dans la vie, là, c'est un peu ce qu'on faisait dans le temps, là, quand on bougeait à l'extérieur. On faisait toutes sortes de sports différents. Ben, c'est un peu ça que je veux amener aux jeunes, là, les faire bouger, s'amuser, d'avoir d'être structuré, bien encadré, mais en même temps, là, j'implante des règlements, mais on s'amuse. Là, Et dans un dernier temps, Michel Robert explique qu'il s'engage avec la municipalité pour un an. Exactement, la formule, là, comme je te disais tantôt, Danny, c'est sur un an. Je m'engage un an, dans le fond. Okay. C'est ce que j'expliquais aux parents et à la municipalité. Fait que moi, je me sers de toutes les infrastructures de la municipalité présentement. Que ce soit le terrain de balle ou les terrains de jeu, puis l'aréna. Fait que tous les équipements m'ont été fournis par l'école Bon Pasteur. OK. Puis je suis encadré par la municipalité au niveau des infrastructures. Puis ça s'étale sur un an. Fait que dans le fond, moi, mes cours de paix vont finir au mois d'août. OK. Puis là, je vais avoir un petit break d'une couple de semaines pour les entrées des classes. Après ça, je vais reprendre les inscriptions pour l'automne qui vont se poursuivre tout l'hiver. Okay. Fait qu'ils vont me servir de l'aréna, patiner, on va jouer au hockey intérieur. Puis au niveau du gymnase de l'école, là, qui s'est supposé d'être... Le golfeur de Chicoutimi, Pierre-Alexandre Bédard, a joué plus un hier, soit 73, pour prendre le 43e rang au final de la Classique Acura sur le circuit canadien Pro Tour. Bédard se disait quand même content de la journée d'hier. 81. La game dans l'ensemble n'était pas si mal quand même. C'est mon compteur, en fait, qui n'a pas coopéré durant la semaine. Puis aujourd'hui, ronde de plus 1. Ça fait 15 green en régulation, une ronde que je peux dire presque parfaite. Puis les potes n'ont tout simplement pas tombé encore une fois aujourd'hui. Ça faisait quelques jours que j'étais parti de la maison. J'ai besoin d'un petit peu d'entraînement là, pour durant les prochains jours pour me préparer là, pour les plus gros tournois qui s'en viennent prochainement. Il y a une Mackenzie Tour qui s'en vient en juillet, puis le tournoi à Saint-Georges. Donc, ces deux tournois-là majeurs qui s'en viennent, donc on va me préparer comme tout. Et bonne nouvelle pour du côté du vélo de montagne. On sait que c'est les championnats québécois de vélo de montagne en fin de semaine à Saint-Félicien. Et Léon Bouchard de Saint-Félicien se classe maintenant au 49e rang du classement UCI. Donc, c'est quand même une bonne nouvelle pour l'Almatois qui dispute une autre saison sur le circuit. Je vous invite donc à écouter la section entrevue de danazosport.com. Hier, on a parlé avec Francis Vaille du Journal de la Presse suite à son article très intéressant où il parlait du contrat de Carey Price et l'argent qu'il va remettre au fisc. Également, je me suis entretenu aussi avec Pascal Jobin du contrat de Steph Curry, un contrat gigantesque de tout près de 201 millions pour 4 ans. Je me suis également entretenu avec Michel Lallemand du club de golf de Chibougamau, Gilles Larouche du club de golf de Saint-Prime, ainsi que Michel Robert qui nous parle de son projet de faire bouger les jeunes à Saint-Jean-d'Arc. Le sport local et régional à danazosport.com, la référence du sport au centre de golf.